together. C'est Lionel sur Énergie, on va écouter Kavinsky et David Guetta. Ladies and gentlemen, les Energy Music Awards 2013. Incroyable, mais c'est la folie jusqu'au bout ici à Cannes pour l'Energy Music Awards. Je suis avec Valentine et Clara. Les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parlez bien devant le micro, qu'est-ce qui s'est passé devant le yacht tout à l'heure il y a 5 minutes? On sait pas. C'est incroyable parce qu'on s'y attendait pas. On était là depuis hier soir, on est revenu ce matin. Après on est resté toute la journée, on savait plus quoi faire. Et là, à la dernière minute, on gagne les dernières places, c'est énorme. Je crois qu'on réalise pas encore. Mais vous avez pleuré en plus, mais en plus, il y a quoi de marqué sur vos visages? Oui, on espérait pouvoir gagner avec ça. Alors je vous explique pour ceux qui sont pas là. Valentine et Clara, elles sont taguées sur le visage, elles sont écrits réaliser quoi? Réaliser notre rêve, notre d'accord rêve, si et là, Tal, Psy, M. Pokora, c'est ceux pour qui t'as voté ce soir pour l'Energy Music Awards? Non. Non, ah d'accord. T'as pas voté pour eux, mais tu t'es marqué quand même les noms d'artistes. Non, oui, parce qu'on les adore. Et parce que c'est eux qui choisissaient aussi pour les places. D'accord. Alors, les filles, regardez ce que j'ai dans les mains. Clara, Valentine, Clara. Je vous offre les deux dernières places pour les Energy Music Awards ce soir. Vous nous mettez notre rêve dans les mains. C'est un truc de dingue. Moi, je suis vraiment content. Passez une bonne cérémonie qui fait bien avec les stars. Et on peut faire une dédicace? Vas-y, allez, dédicace. Dédicace au collège de Rousset, Laure Elise, Pauline, Jade Cheminot aussi. Elisa, Mathilde et à mon école de danse qui est très présente. Vous venez d'où les filles? Aix-en-Provence. Ok, c'est les Bouches-du-Rhône qui l'ont emporté ce soir pour finir. Merci beaucoup, c'est dans 3h les Energy Music Awards 2013, 20h50 sur Energy et TF1. On peut applaudir Valentine et Clara qui étaient avec nous sur le yacht. Merci beaucoup. On va se quitter pour aller rejoindre le tapis rouge devant le Palais des Festivals. 19h, la montée des marches, là encore sur Energy, vous n'allez rien rater. Toutes les photos, les vidéos, les interviews, les coulisses, tout ce qui passe pas sur TF1, on vous le met en ligne sur energy.fr, la page Facebook d'Energy, le Twitter Energy, parce que avant tout, c'est votre cérémonie, on partage tout avec vous tous dans toute la France, il n'y a pas d'exclus. Merci à ceux qui ont mis une ambiance de ouf. Ils sont en train de m'écouter parce qu'on passe encore devant le yacht Energy. Voilà, bravo à vous, parce que c'est vrai que sur Energy on a les meilleurs auditeurs de France et on se cache pas de le dire. Donc bravo à vous, spécial dédicace les filles et garçons. On remercie également toutes les personnes qui ont permis cette grande après-midi l'équipage du yacht Energy Abyss Yachting pour l'accueil. Voilà. Mathieu et Laurence en particulier, gros bisous à tout le monde. Merci à tous les artistes qui ont pris le temps aussi de venir ici. C'est pas facile entre les répétitions, la séance habillage à l'hôtel, c'est toujours speed. Donc voilà, merci à tous les artistes, toutes les stars. Les équipes d'Energie aussi, Caroline, Lucia, Elsa qui a fait la trad, Arnaud qui était là à côté de moi, Julien d'Energie Côte d'Azur, Stéphane d'Energie Marseille. Il y a beaucoup de monde, il y a Gilles de Noisy-le-Sec qui réalisait l'émission depuis midi. Salut mon Gilles Prunier. Yeah. Il y a Seb Rexo qui était là, Energie Audio, Dom, Christophe Lenoble, Paul, tous mes copains. Ça fait plaisir, on a passé une super après-midi. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h sur le tapis rouge pour la montée des marches. Et à 18h, c'est le hit des clubs DJ Buzz avec mon copain Anto, comme tous les samedis, le classement des titres les plus joués en discothèque. Restez avec nous sur Energy, à tout de suite.